Il est glorieux, sans compromis avec le péché. Alléluia. Alléluia. And you see very clearly in 2 Timothy chapter 3. Et vous voyez très clairement dans 2 Timothée chapitre 3. There is a crisis that will come in the last days. Il y a une crise qui va arriver dans les derniers jours. People will love lovers of money. Les gens aimeront la monnaie, l'argent. Lovers of pleasure. Des amoureux du plaisir. Boastful. Fanfaron. Lovers of themselves. Égoïste. And that's why these are the perilous times, the difficult times. He defined. C'est pourquoi c'est le temps périlleux, le temps difficile qu'il définit. Which would cause the need for the little remnant of the remnant. Va amener le besoin pour le petit restant du restant. Coalesce together, to fellowship together as they wait on the Lord. De s'unir ensemble, communier ensemble, alors qu'ils sont en train d'attendre le Seigneur. That's why there was a group and company covenant among the five. C'est pourquoi il y avait un groupe, une alliance de convenance parmi les cinq. Alléluia. Alléluia. I want to read the book of Micah, chapter 2. Je désire lire le livre de Michée, chapitre 2. Verses 12 to 13. Les versets 12 à 13. As why the Lord spoke about this company and the prophecy he gave. Comment le Seigneur a parlé à propos de cette compagnie et la prophétie qu'il a donnée. Even about this company, même à propos de cette compagnie that would come together, qui va arriver ensemble during the dark times. Pendant le temps sombre. I'm now introducing the fact of the dark times. I'm starting to talk about the dark times. Et je suis maintenant en train d'introduire le fait à propos du temps sombre. J'ai commencé à parler à propos du temps sombre. And he says in Micah chapter 2 verses 12 to 13, he says. Alors il dit dans Michée chapitre 2 versets 12 à 13, il dit. I will surely gather all of you, O Jacob. I will surely bring together the remnant of Israel. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. I'll bring them together like sheep in a pen, like a flock in its pasture. The place will throng with people. One who breaks open the way will go up before them, and they will break through the gate and go out. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. The king will pass through before them. And the Lord at their head. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera leur tête. So you see very clearly that this was a prophecy the Lord was speaking to Israel. Alors vous voyez très clairement que c'est une prophétie que le Seigneur a donnée à Israël. But has a direct bearing to the church. Mais a une portée directe pour l'Église. And again I told you there is nothing he ever spoke to Israel. Et je vous ai dit, il n'y a rien qu'il n'ait dit à Israël. That he did not speak to the Church of Christ. Qu'il ne dit pas aussi à l'Église de Christ. There would be need during the dark times. Ils auraient besoin pendant le temps sombre. Now for the Church to be together. Maintenant pour l'Église d'être ensemble. It's called corporate congregation. Ça s'appelle une congrégation de coopération. And the lamps of the virgins as they enter into the banquet. Et les lampes des vierges quand elles sont entrées dans le banquet. These lamps that they carried, the wise virgins. Alors les lampes qu'elles portaient, les vierges sages. Continued lighting even inside the banquet. Elles ont continué d'être éclairées même à l'intérieur du banquet. I'm now bringing you to another level. Et maintenant je vous amène à un autre niveau. Again. As the wise virgins prepared for the difficult dark times that were coming in the last days. Encore comme les vierges sages se préparaient pour le temps sombre qui viendrait pendant les derniers jours. The Lord was speaking to the church that the dark times would come. Le Seigneur était en train de parler à l'Église quand le temps sombre vient. So you would need to be equipped in the Holy Spirit. Alors, vous avez besoin d'être équipé du Saint-Esprit. With the infilling of the Holy Spirit. Dans l'effusion du Saint-Esprit. And very much aware that the amount of infilling and preparation you've had through the Holy Spirit. est très au courant que la quantité de plénitude et de préparation que vous avez eue à travers le Saint-Esprit, the cleansing, the cleaning, la purification, le nettoyage, and all these things we've talked about preparing the bride of Christ, et toutes ces choses dont nous avons parlé préparant l'épouse de Christ, would have an eternal implication, aurait une implication éternelle, because the bride of Christ, the five wise virgins, parce que l'épouse de Christ, les cinq vierges sages, were able to enter with the same lamps into the banquet, étaient capables d'entrer avec les mêmes lampes dans le banquet. Alléluia. Alléluia. And that's what Daniel saw essentially. Et c'est ces paroles que Daniel a vues essentiellement. No wonder if you look at the Bible in the book of Revelation. Pas étonnant si vous regardez dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Chapter 19. Chapitre 19. Verses 7 to 9. Versets 7 à 9. He talks about heaven rejoicing. Il parle à propos du ciel se réjouissant. For the wedding of the Lamb has come. Parce que les noces de l'agneau viennent. And the bride of Christ has made herself ready. Et l'épouse de Christ s'est préparée. And if you look very carefully there, you see that fine linen. Et si vous regardez très attentivement ici, vous voyez du fin lin. Bright and clean was given her to wear. Éclatante et pure qui lui était donnée pour se vêtir. And she's now wearing it. Et maintenant elle l'a vêtue. And fine linen is the righteousness and the holiness of the remnant church. Et le fin lin, c'est la justice et la sainteté de l'église restante. But look at this now. Regardez à ça maintenant. When you look at Revelation 19, verses 11 to 21. Quand vous regardez à Apocalypse 19, versets 11 à 21. The army that Jesus is coming with during the day of the Lord, 7 years after the rapture. L'armée qui vient avec le Seigneur, 7 jours après l'enlèvement. They are also wearing fine linen, bright and clean. Ils sont aussi vêtus de fin lin, éclatant et pur. And that tells us. Et ça vous dit. That the Lord was speaking to the church and saying, the preparations that you do here on earth. Que le Seigneur était en train de parler à l'Église et lui dire, la préparation que vous avez fait ici sur terre have an eternal implication a une implication éternelle into the way you fellowship with the Lord. Dans la manière dont vous adorez le Seigneur. No wonder the wise virgins, pas étonnant que les vierges sages, by carrying the oil, en prenant l'huile, and being cleansed by the infilling of the Holy Spirit to be radiant, ont été purifiés par la plénitude du Saint-Esprit et sont devenus rayonnantes, were able to enter with the same lamp, étaient capables d'entrer avec la même lampe, into the wedding banquet, dans le banquet de noces. Alléluia. Alléluia. Into eternity. Dans l'éternité. And I bring you to a very critical concept. Et ça vous amène à un concept très important. Even how the Lord spoke through Israel to the church. Même comme le Seigneur parle à travers Israël à l'Église. You see very, very clearly here. Vous voyez très, très clairement ici. That even the fine linen, bright and clean, you prepare today for the wedding. Parce que même le fin lin, éclatant et pur que vous préparez aujourd'hui pour le mariage, is the same fine linen, bright and clean that you'll come back with on the day of the Lord. C'est le même fin lin, éclatant et pur que vous allez vêtir quand vous viendrez le jour du Seigneur. And that happens 7 years after the rapture. Et ça va arriver 7 ans après l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. So we see very clearly here. Alors vous voyez très clairement ici. That the wise virgins. Que les vierges sages. Were infilled with the Holy Spirit. Étaient remplies du Saint-Esprit. And the Holy Spirit is able to keep an abiding, non-ending love. Et le Saint-Esprit est capable de garder un abondant amour qui ne finit pas. Burning in their hearts, the flame you're seeing. Brûlant dans leur cœur la flamme que vous avez vue. Which love focused them on Christ. Lequel amour les centre sur Christ. And that's why It was burning and they were focused more on the banquet than the things of the world. Et c'est pourquoi c'était en train de brûler et elles étaient concentrées sur le banquet plutôt que sur les choses du monde. And that light entered with them into eternity. Et cette lumière est entrée en elles pour l'éternité. They entered into the wedding of the Lamb with that lamp. Elles sont entrées au mariage de l'agneau avec cette lampe. They were faithful. Elles étaient fidèles. They kept their eyes on the things of God. Elles ont gardé leurs yeux sur les choses de Dieu. And the fact that they are wise means. Et le fait qu'elles étaient sages signifie. They had the fear of the Lord. Qu'elles avaient la crainte du Seigneur. In the main fabric of their being. Dans le principal édifice de leur être. And so, in the book of 2 Corinthians chapter 11, verse 2. Et alors, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. He says, I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. You see how important that is. Vous voyez combien c'est important. The Holy Spirit, again I repeat here, le Saint-Esprit, encore, je vous le répète, was able to infill the wise virgins, était capable de remplir les vierges sages. And that's the message the Lord is giving the church, that when you become a vessel available to the Holy Spirit. Et ça, c'est le message que le Seigneur est en train de donner à l'Église. Quand vous devenez un récipient à disposition du Saint-Esprit, He will infill you, il veut vous remplir as a remnant bride of Christ, comme une épouse de Christ restante. And He will create in you, et il veut créer en vous an abiding, non-ending love, un amour abondant et qui ne finit pas, that will burn in your heart, qui va brûler dans votre cœur, for Christ the bridegroom, pour Christ l'époux. Now that abiding love will focus you, cet amour abondant va prendre toute votre attention, on the wedding of the Lamb, sur les noces de l'agneau. It will remind you of the Holy Communion, the Last Supper. Il va vous rappeler la Sainte Communion, le dernier repas, la dernière Pâque, which was actually a pre-wedding covenant of faithfulness, qui est actuellement la pré-alliance de mariage de fidélité. That you may not go to any other man, but wait on Christ, the chief bridegroom, Christ the Messiah. Que vous n'irez pas vers aucun autre homme, mais vous attendrez Christ, le chef époux, Christ le Messie. And he says here very clearly, et il dit ici très clairement, that he is jealous of his bride. Alléluia. Qu'il est jaloux de son épouse. Alléluia. That is looking for one that has not run around. Qu'il est en train de regarder pour une qui n'est pas en train de tourner là autour. He is jealous with the godly jealousy towards her. Il est jaloux d'une jalousie divine envers elle. So she may be a pure virgin. Look at the words he uses there. Alors elle peut être une vierge pure. Regardez le verbe qu'il utilise là. Pure, undefiled, holy, virgin, undefiled, untouched. Pure, propre et sainte, vierge, propre et sans tache. So surely the Holy Spirit was so important. Et certainement, le Saint-Esprit était si important. And he remains very important in this message here. Il reste très important dans ce message ici. And very central. Et très central. Because only the Holy Spirit can create that abiding, non-ending, burning love. Car seul le Saint-Esprit peut créer cet amour abondant qui ne finit pas et qui brûle. In the heart of the bride of Christ. Dans le cœur de l'épouse de Christ. So she may focus strictly and solo on him. Alors elle peut se focaliser strictement et seulement sur lui. And on the wedding of the Lamb. Et sur le mariage de l'agneau. And I think that's a very, very mighty, mighty thing. Ça, c'est une chose très, très importante. the Holy Spirit is doing, so he may be able to present her. Que le Saint-Esprit est en train de faire. Alors, il va être capable de la présenter. As a pure virgin, look at the words he uses. En tant que vierge pure, regardez le mot qui est utilisé. Undefiled. Propre. No wonder the five wise virgins were able to make it. Pas étonnant que les cinq vierges sages soient capables de le faire. Because they had the Holy Spirit. Parce qu'elles avaient le Saint-Esprit. Always purifying them. Qui les purifiait sans cesse. Creating the fire that brought the flame. Créant le feu qui apporte la flamme. That fire is essentially the non-ending, hallelujah, abiding, non-ending love that was burning in their hearts for Christ. Ça c'est essentiellement le qui ne finit pas, abondant et qui ne finit pas, amour qui était brûlant dans leur cœur pour Christ. Which was absolutely absent among the five foolish virgins. Qui était absolument absent parmi les cinq vierges folles. And then it is also important to realize that he was talking about the end time. Et ensuite, c'est aussi important de savoir qu'il était en train de parler du temps de la fin. He was saying that that was so important that the Holy Spirit be available. Il était en train de dire que ça c'était si important que le Saint-Esprit soit en mesure to keep that fire burning because de garder ce feu en train de brûler parce que there would be strong winds in the last hour. Il va y avoir un très fort vent à la dernière heure. That would try to extinguish that burning love for Christ. Qui va essayer d'éteindre cet amour brûlant pour Christ. Alléluia. Alléluia. And this was prophesied. Et ça avait été prophétisé. This was prophesied in several books in the Bible. Ça a été prophétisé dans beaucoup de livres de la Bible. In Isaiah chapter 60. Dans Ésaïe chapitre 60. Verse 1. Verset 1. Alléluia. Alléluia. There was a prophecy about the dark times. Il y a une prophétie à propos du temps sombre. Isaiah 60 verse 1 to 4. He says. Ésaïe 50 verset 1 à 4. Il dit. Arise, shine. For your light has come. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. And the glory of the Lord rises upon you. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. All assemble and come to you. Your sons come from far, your daughters are carried on the arm. Then you will look and be radiant, your heart will throb and swell with joy, and the wealth of the seas will be brought to you, and to you the riches of the nations will come. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. So this essentially was a prophecy talking about the dark times. Ceci essentiellement parle à propos d'une prophétie qui dit à propos du temps sombre. In fact, he was talking about the glory that would visit Zion. En fait, il était en train de parler à propos de la gloire qui va visiter Sion. Visit Israel. Qui va visiter Israël. After the dark periods, you see that? Après la période sombre, vous voyez ça? But in the same scripture, you see that he spoke very clearly about the dark times that will come into the church. Mais dans la même écriture, il parle très clairement de ce temps sombre qui va venir sur l'Église. Before the glory of the Lord will come, avant que la gloire du Seigneur vienne, in the rapture of the church, dans l'enlèvement de l'Église. No wonder he was talking about the great need for the Holy Spirit. Pas étonnant qu'il soit en train de parler du grand besoin du Saint-Esprit, to come and fill them, qui va venir et les remplir, and focus them, et attirer leur attention, keep their hearts throbbing with great love for the Lord. Garder leur cœur vibrant avec un grand amour pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. The same prophecy was given in the book of Genesis. La même prophétie a été donnée dans le livre de Genèse. Chapter 15. Chapitre 15. When the father spoke to Abraham, quand le père a parlé à Abraham, and he spoke to Abraham about the great need for corporate congregation. Et il a parlé à Abraham à propos du grand besoin pour une congrégation qui coopère. When he asked Abraham to look up in the sky, quand il dit à Abraham de regarder en haut au ciel, and look at how many stars you can see, et regarde combien d'étoiles tu peux voir. If you can count them, si tu peux les compter, as numerous as they are, will be the nations that will come out of you. Aussi nombreuses qu'elles sont, seront la nation qui va sortir de toi. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. The Lord was essentially talking about corporate shining, the bearers of the light of Christ. Le Seigneur était en train de parler essentiellement de briller d'une manière coopérative, d'être les porteurs de la lumière de Christ. Would shine together. That's why the five virgins are five, somebody. Brilleraient ensemble. C'est pourquoi les cinq vierges sont cinq. Alléluia. Alléluia. So they can be able to bear the light of Christ together. Alors, elles peuvent être en mesure de porter la lumière de Christ ensemble. The light bearers shine in a company. Les porteurs de lumière brillent en compagnie. The same thing in Revelation chapter 7. La même chose dans Apocalypse chapitre 7. There is the glorious congregation of the redeemed. C'est la glorieuse congrégation des rachetés. Alléluia. Alléluia. But now, I want to talk about the darkness. Et maintenant, je vais parler à propos des ténèbres. That the Lord causes the remnant to collège, to assemble together. Que le Seigneur fait le restant en un symbole ensemble. To stick together. De s'attacher ensemble. Out of the fear of. En dehors de la peur de. Again, the Lord talks about the five virgins. Encore, le Seigneur parle à propos des saints vierges. In a corporate, in a company covenant together to encourage each other. En une coopération, en une compagnie ensemble pour que chacun s'encourage. As they wait on the Lord. Alors qu'elles attendent le Seigneur. Together with their lamps. Ensemble avec leurs lampes. And that is because he saw that in the last days. Ça c'est parce que vous voyez que dans les derniers jours, at the last moment, au dernier moment, there will be a tremendous darkness that will come in the church. Il va y avoir un terrible ténèbre qui va venir sur l'église. And all of you are now familiar with the great darkness that has come into the church. Et tous d'entre vous sont maintenant familiers avec le fait que des ténèbres vont arriver sur l'église. We have seen in the church. Nous avons vu dans l'église. The great philosophy that has penetrated the church. La grande philosophie qui est venue dans l'église. We've seen also the false gospels, like the gospel that's very horizontal. Nous avons vu aussi le faux évangile, l'évangile qui est très horizontal. The gospel of compromise. L'évangile compromis. That has entered the church. Qui entre dans l'église. Where gays and homosexuals are accepted, they can preach in the church. Où les gays et les homosexuels sont acceptés, ils peuvent prêcher dans l'église. While remaining gay. Tandis qu'ils continuent d'être gays. That is the darkness the Lord was prophesying here, somebody. Ça, c'est les ténèbres que le Seigneur a prophétisées ici. That's the darkness for which he wanted the few who have set out. Ça, c'est les ténèbres pour lesquelles il voulait que le peu qui sont sortis. To become the perfect bride of Christ, pour devenir la parfaite épouse de Christ, to stick together in fellowship in one faith, pour se rassembler ensemble dans la communion en une foi, to stay together, encourage each other, pour être ensemble et s'encourager ensemble, as they are able to overcome the darkness, en tant qu'elles sont capables de vaincre ces ténèbres. Alléluia. Alléluia. We have seen the gospel of prosperity. Nous avons vu l'évangile de la prospérité that preaches the things of the world. Qui prêche les choses de ce monde. We have seen the many things that have infiltrated. Nous avons vu beaucoup de choses qui se sont infiltrées. In fact, there is gross darkness right now in these last days. En fait, il y a des grandes ténèbres juste maintenant, dans ces derniers jours. In the church. Dans l'église. But let us see how the Lord prophesied them. Alors, regardons comment le Seigneur les prophétise. And what he talked about. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de ça? And essentially, it is what is called apostasy. Et essentiellement, c'est ce qu'il appelle l'apostasie. The apostasy of faith, the falling away. L'apostasie de la foi, la chute loin. From the true faith in Christ. De la véritable foi en Christ. Let's look at the apostasy as it was prophesied. Regardons à l'apostasie comme il a été prophétisé. We know that apostasy is the falling away from true faith in Christ Jesus. Nous savons que l'apostasie, le détournement de la vraie foi de Jésus-Christ. And when the Lord gave the parable of the five wise virgins. Et quand le Seigneur a donné la parabole des cinq vierges sages. And the five foolish virgins. Et des cinq vierges folles. He essentially spoke about. Essentiellement, il a parlé à propos the apostasy of the faith that would come in the last moment. De l'apostasie de la foi qui va venir au dernier moment. Alléluia. Alléluia. The falling away from true faith even within the remnant church. Le détournement de la vraie foi même si on a été l'église restante. The remnant that has stepped out. Le restant qui est sorti. Awaiting the coming of the Lord. Et qui attend la venue du Seigneur. He essentially said there would be apostasy. Il dit essentiellement ça va être l'apostasie. That's why you see that the five foolish virgins. C'est pourquoi vous voyez que les cinq vierges folles fell away and they were able to go into the tribulation. Sont tombées et ont été en mesure d'entrer dans la tribulation. In other words, he's telling the church. En d'autres mots, il dit à l'église. That out of you will come a small remnant. Que en dehors de vous, il va y avoir un petit restant. That will seek after my own heart. Qui cherchera mon cœur, mon cœur. But half of that remnant will fall away. Mais la moitié de ce restant va tomber.